J'ai remis le casque, mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que tout à l'heure j'avais le casque. Et un méchant. Et vous allez la faire fuir, la pauvre Corinne. Ah, tu m'as pourri les oreilles. Qu'est-ce que tu fais, Corinne? Tu viens, tu sors, tu viens. Faut savoir ce que tu veux, ma grande. C'est vrai qu'on t'a un peu niqué les oreilles, mais bon, faut assumer, hein, c'est ça le monde de la musique. Hein, et des fois, c'est pas toujours facile. Hein. Et attends, quand il y a des guitaristes qui montent le son de plus en plus, après... Allez, reste, reste, t'inquiète. Philippe, il va faire attention. Oui, je voulais pas la faire, celle-là.